What is your name? Me llaman Lagrado. What is your favorite color? Ma maman m'a dit que je n'avais jamais parlé aux inconnus. Alors, dites-moi tout. Je voudrais être avec vous. Vous y êtes? L'humour au cinéma, c'est aussi simple que la couleur au cinéma. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Mais s'il y en a, ça rajoute quelque chose en plus. Quand on parle humour au cinéma, évidemment, nous pensons comédie. Un genre qui existe depuis le tout début de la grande aventure cinématographique. Que ce soit les films de Buster Keaton, Charlie Chaplin et autres Laurel et Hardy, le rire reste un des divertissements les plus agréables et cathartiques. Mais très vite, les cinéastes ont essayé de trouver d'autres moyens de raconter des histoires. D'aller au-delà des gags et blagues et d'avoir un discours moins léger, plus profond. La comédie est alors devenue un peu tabou, reléguée à un niveau populaire, loin des démarches existentialistes des auteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en festival, la comédie est presque absente. Des gags inédits et des blagues efficaces ont parfois plus d'intérêt qu'un énième drame sur une famille déchirée en pleine campagne. De plus, la comédie n'a pas le monopole du rire. Au contraire, bien souvent, l'humour permet aux réalisateurs de donner une touche de légèreté, de fraîcheur dans leur création, tout en ancrant leur récit dans le réel. Tout cela m'a donné des idées de questions à poser aux festivaliers. J'ai alors rencontré Quentin, Didier et Christiane, à qui j'ai demandé ce qu'apportait l'humour au cinéma. Déjà, ça dépend de quel humour. Il y a l'humour français, j'ai aussi l'humour anglais, enfin l'humour étranger. Ça peut aussi apporter une certaine dramaturgie dans la scène. On peut parler de thèmes de la société et dénoncer des choses avec l'humour. Bah, c'est-à-dire qu'au cinéma comme dans la vie, l'humour, c'est un moment essentiel, quoi. C'est-à-dire, c'est prendre la distance avec notre condition. Et au cinéma, c'est peut-être une vraie catharsis, quoi. De la joie, du questionnement, de la réflexion, du recul par rapport à la réalité. Quoi d'autre ? Du plaisir. C'est déjà pas si mal. Je vous parlais hier des Monty Python avec La Vie de Brian. Parlons également du film Sacré Graal, sorti en 1975, qui parodie les Chevaliers de la Table Ronde dans un style loufoque propre aux comédiens britanniques. Que ce soit pour Brian ou Sacré Graal, l'idée est de placer des problématiques, des personnalités et des manières de penser contemporaines à l'époque de sortie du film et de les transposer dans des univers appartenant à la mythologie, que ce soit la Bible ou les légendes arthuriennes. Les Monty Python utilisent un humour loufoque. Tout est dans le ridicule, le burlesque. Il s'agit de tourner en dérision le monde dans lequel on vit, dans un esprit de décalage, à l'image de Jean de La Fontaine mettant en scène la société du XVIIe caricaturée par des animaux. Tout le monde en prend alors pour son grade. Riche, pauvre, religieux, athée, politique, anarchiste, homme, femme, il faut lâcher prise, on ne pense pas à mal. Justement, plutôt que d'être dans le pathos, on nous fait réfléchir grâce au rire. Je vous le disais plus tôt, l'humour parfois s'immisce dans d'autres genres cinématographiques. C'est le cas pour le film Revenge de Coralie Farja, passé en avant-première hier soir au festival. Les anglophones auront compris qu'il s'agit d'un film de vengeance, appartenant au genre nommé, évidemment, Revenge Movies. En plein désert, une jeune femme est violée par un ami de l'homme dont elle est la maîtresse. Ce dernier, par peur de mettre sa femme au courant, la pousse du haut d'une falaise, mais cette dernière survit et est prête à se venger des hommes qui l'ont faite souffrir. Sang, violence, action, et encore des litres et des litres de sang. Ce film très graphique a une fonction cathartique et profondément féministe. Mais plutôt que de tomber dans l'action pour l'action, la réalisatrice a eu l'intelligence de teinter tout le film de notes d'humour très variées, allant du gag burlesque à la petite pique cinglante qui vient contrebalancer les effets gore et permet de respirer entre deux effusions de chair et de sang. Un film drôle, engagé et intelligent, ça ne se refuse pas. Mais je préfère prévenir tout de même, âme sensible, s'abstenir. Comme je vous l'ai dit, j'ai pu assister à l'avant-première du film Revenge, et rien que pour vous, j'ai réussi à poser une question à la réalisatrice en fin de séance. Excusez-moi par avance pour la qualité du son, les conditions n'étaient pas les meilleures. Alors c'est une très bonne question parce que en effet, assez vite quand j'ai commencé l'écriture, je me suis posé la question du ton du film, de comment je voulais effectivement traiter cette violence, la filmer, l'utiliser. Et je me suis rendu compte très vite que j'avais pas du tout envie d'aller dans le côté torture porn, film voilà, qui fait mal pour faire mal, qui peut être réussi dans leur genre, mais c'était pas du tout ça qui m'intéressait de faire. Par contre, j'avais envie de transcender cette violence et de m'en servir comme un outil artistique qui propose une lecture à la fois pulp, fantasmagorique de la violence. Et en fait, assez naturellement, cet humour-là est venu parce que pour moi, en fait, ça va avec l'excès. C'est-à-dire que je sais que ce cinéma-là qui m'a plu, ben voilà, je parlais du cinéma sud-coréen, qui a cette part de folie et d'humour par moments où les personnages sont complètement tarés. Enfin, voilà, il y a ce côté totalement cathartique où il ça frise parfois le grand guignolesque, mais qui donne aussi sa puissance à ce cinéma-là. Et pour moi, l'humour, la part d'humour, en tout cas, va vraiment avec le genre, en tout cas avec le cinéma de genre qui, moi, m'a plu... et qui a toujours cette touche de décalage qui vient contrebalancer justement une violence pure et extrême et du coup bah, participer à la création d'un univers fantasmagorique et donc c'est vrai que c'est venu assez tôt en fait, c'est venu assez tôt et c'est aussi ça qui m'a permis de trouver le ton du film et cet équilibre voilà, entre violence, excès et en même temps une part de on se prend pas au sérieux. Enfin, le film est fait au premier degré, mais avec cette utilisation de l'humour pour qui permet aussi d'enfoncer encore plus les personnages au final. Enfin, d'exploiter leur voilà leur couardise, leur côté ridicule, leur côté et d'en jouer du coup dans le script. Ouais. J'ai également parlé humour avec Madame Agnès Varda, mais comme nous avons aussi parlé poésie, j'ai décidé de conserver et de vous diffuser ce passage en intégralité. Un peu de hors-sujet ne fait pas de mal. L'humour, la poésie, bon, la poésie surtout, on ne peut pas dire le mot. On peut frôler le concept, mais moi je ne peux pas dire, je fais des films poétiques, c'est une chose qu'on ne peut pas dire. Donc je fais des films, mais quelquefois j'ai des pensées un peu drôles, un peu étranges, un petit peu en vert comme ça, un petit peu comme une circulation de poésie. Et il m'arrive très souvent d'avoir en tête des alexandrins, des poètes. J'ai beaucoup, et des peintures qui ont en tête. C'est-à-dire qu'il faut se nourrir d'autre chose que des caméras et du métier. Enfin, c'est ce que je dis, moi. Et tout à l'heure, je pensais à Dieu. Vive clarté de nos étés trop courts. C'est magnifique, c'est Baudelaire, mais moi je pense à ça de temps en temps, en me disant voilà l'hiver. J'ai regardé les arbres tout à l'heure, les arbres en hiver qui sont si beaux, mais il n'y a rien dessus. Et je pense qu'il faut qu'on continue à se nourrir de petites observations qu'on fait là où on est, la tête des gens qu'on rencontre, qu'est-ce qui se passe. Parce que si on ne reste pas vivace comme ça, je crois qu'on n'aime pas le cinéma. Et on a besoin d'humour aussi. Ah oui, l'humour, c'est essentiel. C'est une sorte de politesse, ça, envers les autres. Depuis ma première capsule, j'ai choisi de vous parler de termes généraux du cinéma qui nous ancrent dans notre humanité, dans le réel et dans nos instincts primaires. L'humour ne fait pas exception à la règle, et bien évidemment, nous en avons besoin. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un élément indispensable, mais c'est comme la confiture de fraises. On peut vivre sans, mais la vie est alors d'un triste. Profitons d'un peu de légèreté, profitons des comédies, et surtout, profitons de l'humour. Oh, et puis, au diable la conclusion, place à la chanson. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life.